I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up, my shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me. Voilà, c'était les Green Day sur RGM. Un peu plus de 8h38, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 17 février 1941, naissance de Julia McKenzie, actrice anglaise connue pour avoir incarné Miss Marple dans la série télé du même nom. 1945, naissance de Brenda Fricker, actrice irlandaise connue pour son rôle de Mrs. Brown dans le film My Left Foot, récompensée de l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. 1946, naissance d'André Dusselier, acteur français vu dans 3 hommes et un coup fin dans le rôle de Jacques, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans la suite, 18 ans après. Vu également dans Un cœur en hiver dans le rôle de Maxime, récompensé du César du meilleur acteur dans un second rôle. Le colonel Chabert, On connaît la chanson dans le rôle de Simon, César du meilleur acteur. Les enfants du marais dans le rôle d'Amédée. La chambre des officiers dans le rôle du chirurgien militaire, récompensé du César du meilleur acteur dans un second rôle. Tanguy, ainsi que Tanguy le retour dans le rôle de Paul Getz. Un long dimanche de fiançailles, Ne le dis à personne, La belle et la bête de Christophe Gans, sorti en 2014, où il incarnait le père, et vu également dans Adopte un veuf. 1954, naissance de Renée Rousseau, actrice américaine vue dans L'Arme fatale 3 et 4 dans le rôle de Lorna Cole, Thor ainsi que Thor, Le monde des ténèbres et Avengers Endgame dans le rôle de Frigga, la reine d'Asgard. 1962, naissance de Lou Diamond Phillips, acteur américain vu dans le film Che, deuxième partie Guérilla, mais surtout connu pour son rôle dans la série télé Numbers où il incarnait l'agent du FBI Ian Edgerton, vu également dans Stargate Universe dans le rôle du colonel Telford, Blindspot, Hawaii 5-0 ou encore Esprit criminel. 1963, naissance de Michael Jordan, ancien basketteur américain ayant fait carrière de 1984 à 2003. Ça s'est marqué en plusieurs temps, de 84 à 93. Il a joué pour les Chicago Bulls avant de marquer une première retraite sportive. Il est revenu en 94 jusqu'en 98 de nouveau en jouant pour les Chicago Bulls. Il a marqué une deuxième retraite sportive et de 2001 à 2003, il a joué pour les Wizards de Washington. Il a été 6 fois champion de NBA en 91, 92, 93, 96, 97 et 98 avec les Chicago Bulls. 6 fois champion de la conférence Est, de nouveau avec les Bulls. 6 fois champion de la division centrale, toujours avec les Bulls. Aux Jeux Olympiques, il avait remporté 2 médailles d'or. C'était au JO de 84 à Los Angeles et de 92 à Barcelone. 1965, naissance de Michael Bay, réalisateur américain à qui l'on doit Bad Boys 1 et 2, Armageddon, Pearl Harbor, Transformers 1, 2 et 3, Transformers L'Âge de l'Extinction ou encore Transformers The Last Night. 1969, naissance de David Douillet, ancien judoka français qui est d'ailleurs l'un des judokas français les plus titrés de l'histoire. Il évoluait dans la catégorie des poids lourds, la plus massive en judo. Son palmarès compte 2 titres olympiques obtenus en 96 à Atlanta et 2000 à Sydney. Il est aussi quadruple champion du monde et champion d'Europe, et à noter qu'il était ministre des Sports. 1970, naissance de Dominique Purcell, acteur anglais vu dans Mission Impossible 2, Blade Trinity. On le connaît pour son rôle de Lincoln Burrows dans la série télé Prison Break et son rôle de Mike Rory dans la série Flash où il a joué dans 5 épisodes avant d'être le personnage principal de la série dérivée Legend of Tomorrow. 1972, naissance de Billy Joe Armstrong, chanteur-guitariste américain du groupe Green Day. C'est également l'année de naissance de Philippe Candeloro, ancien patineur français qui a obtenu les médailles de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver de 94 à Lillehammer et de 98 à Nagano. Il a été également vice-champion du monde en 94. C'est également l'année de naissance de Taylor Hawkins, batteur américain du groupe Foo Fighters. 1973, naissance de Raphaël Ibanez, ancien rugbyman français, ayant joué de 93 à 2009 pour Dax, Perpignan, Castres, Saracens ou encore les London Wasp. 1974, naissance de Jerry O'Connell, acteur américain vu dans Scream 2, Veronica Mars, le film, la série télé Sliders, les mondes parallèles dans le rôle de Queen Mallory, preuve à l'appui dans le rôle de Woody Hoyt, ainsi que dans 5 épisodes de la série Las Vegas et vu également dans la série The Defenders. 1981, naissance de Joseph Gordon-Levitt, acteur américain vu dans Halloween 20 ans après, dans le rôle de Jimmy Howell, G.I. Joe, le réveil du cobra, Inception, The Dark Knight Rises, Lincoln, dans le rôle de Robert Todd Lincoln, la série télé Troisième Planète après le Soleil, dans le rôle de Tommy Solomon. 1982, naissance de Lupe Fiasco, rappeur américain, notamment connu pour le titre The Show Goes On, dont on écoute tout de suite un extrait. Play. Sir. Kayla's in the building. It's alright, already the show goes on all night. Till the morning we dream so long. Anybody ever wonder when they would see the sun? Just remember when you come up. The show goes on. All on your soul and put whips up on your back. They be lying through they teeth, hope you slip up off your path. I don't switch up, I just laugh. Put my kicks up on they desk, unaffected by they threats. Then get busy on they ass. See, that's how that shit tell me, man. That's how my daddy raised me. That glittering may not be gold, don't let nobody play me. If you are my homeboy, you never have to pay me. Voilà pour l'extrait de Lupe Fiasco. Allez, on continue les anniversaires. 1989, naissance de Cord Everstreet, acteur américain connu pour son rôle de Sam Evans dans la série télé Glee. 1991, naissance d'Ed Sheeran, auteur, compositeur, interprète anglais qu'on écoutera en fin d'émission. Et en 1991, c'était également la naissance de Bonnie Wright, actrice anglaise connue pour son rôle de Ginny Weasley dans la saga des Harry Potter. Allez, tout de suite, on s'écoute les Foo Fighters avec le titre The Pretender. Sale. Oh well. voilà, c'était les Foo Fighters sur le 107 FM, un peu plus de 8h49, on parle météo. La météo. Et ce sera une journée pluvieuse avec des températures comprises entre 8 et 9 degrés ce matin, entre 10 et 11 degrés pour cet après-midi. Mardi, ce sera du soleil avec quelques nuages, des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 7 et 9 degrés prévues pour demain après-midi. Mercredi, ce sera une journée plutôt mitigée avec des averses de pluie attendues mercredi matin et des éclaircies pour mercredi après-midi. Des températures comprises entre 3 et 4 degrés mercredi matin et entre 5 et 7 degrés prévues pour mercredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer avec le biathlon et les championnats du monde hein, qui ont lieu donc à Antols en Italie. Et bien ça se passe plutôt pas mal hein, côté messieurs puisque nos tricolores ont décroché 3 médailles. D'abord sur le sprint messieurs, Quentin Fillon-Maillet a décroché une très belle médaille d'argent. Martin Fourcade a décroché lui une médaille de bronze. Loguenov a remporté la médaille d'or. À noter que c'est la première fois que deux tricolores partent un podium dans le cadre des mondiaux. Pour les autres résultats sur le sprint, la 4e place de Johannes Bö, la 5e de Tarjei Bö, Émilien Jacquelin a terminé 6e, 18e pour Simon Détieux et le Vosgien Florent Claude lui a terminé 34e. Et la 3e médaille tricolore a été décrochée hier pour la poursuite messieurs où Émilien Jacquelin est remonté de la 6e place à tout simplement la première place avec un 20 sur 20 au tir. Il décroche ainsi sa première victoire et donc sa première médaille au championnat du monde et elle est en or. Il devance de quelques secondes Johannes Bö, troisième Alexander Loguinov, Martin Fourcade lui termine quatrième. Quentin Fillon-Maillet, qui a très mal commencé cette poursuite avec 4 fautes sur le premier tir, a terminé tout de même 7e et Simon Détieux lui termine 8e. Le Vosgien Florent Claude lui termine 32e de cette poursuite. Alors si côté messieurs ça se passe bien, eh bien côté dames ce n'est pas franchement le cas. Le sprint féminin a été remporté par la Norvégienne Roiseland devant Dunkley et Charvatova. Pour les Françaises, la première Française c'est Célia Imonier, 15e, Anaïs Bescon, 20e, Justine Brezas, 32e et Julia Simon, 41e. Pour la poursuite féminine, la médaille d'or a été décrochée par Dorothea Wierer devant Hermann et Roiseland. La première Française, c'est Anaïs Bescon avec une 11e place, Célia Imonier, 30e, 35e pour Julia Simon et 37e place pour Justine Brezas. À noter les très belles remontées des Norvégiennes Tandrevold et Thierry Lekhoff. Tandrevold est partie 57e, elle termine 14e et Thierry Lekhoff est partie 59e, elle est remontée à la 20e place. Aujourd'hui, c'est repos pour les biathlètes. Un mot de hockey sur glace avec la D2 et les playoffs, 8e de finale. Épinal s'est imposé à Vaujany sur le score de 5 buts à 3. Épinal mène donc 1-0 dans ses playoffs. Le match numéro 2 aura lieu samedi à la patinoire de Poissompré. Ce week-end, hier, c'était la Coupe de France en hockey sur glace et a battu Rouen 3-2 au tir au but. En basket, cette nuit en NBA, c'était le All-Star Game avec la team LeBron contre la team Giannis. D'ailleurs, dans la team Giannis, on pouvait retrouver le français Rudy Gobert. Plutôt en forme hein, cette nuit, 21 points, 11 rebonds. Mais ça n'a pas suffi pour faire gagner la team Giannis. C'est la team LeBron qui s'est imposée 157 à 155. Et le trophée de MVP qui a été rebaptisé en l'honneur de Kobe Bryant. Il a été donc rebaptisé le Kobe Bryant All-Star MVP Award. Eh bien, il a été attribué au joueur Kawhi Leonard. Et du côté de chez nous en National 1, le Jet Vosges s'est imposé à Andrézieux 59 à 61. Un mot de football avec les résultats de la Ligue 1. La victoire de Monaco 1 but à 0 face à Montpellier. Le Paris Saint-Germain s'est fait très peur à Amiens. Match nul, 4 buts partout. Bordeaux et Dijon fait match nul 2 buts partout. Metz a fait match nul à Nantes, 0 partout. Nîmes s'est imposé 1 but à 0 face à Angers. Nice s'est imposé 2 buts à 0 sur la pelouse de Toulouse. Lyon et Strasbourg ont fait match nul 1 but partout. Brest s'est imposé 3 buts à 2 face à Saint-Étienne. Reims s'est imposé 1 but à 0 C'était face à Rennes. Et enfin, hier soir, Marseille s'est imposé sur la pelouse de Lille 2-1. En Ligue 2, Nancy s'est incliné 1-0 face à Guingamp. En National 2, Épinal s'est imposé à Mulhouse 3-0. En National 3, Raon-l'Étape s'est incliné face à l'équipe 2 de Metz 2-0. Et Thaon-les-Vosges s'est incliné à Ilkirch 3-1. Un mot de tennis avec le tournoi de Rotterdam. En simple, messieurs, la victoire de Gaël Monfils en 2-7 face à Auger Aliassime. Le Français remporte ainsi son deuxième titre consécutif à Rotterdam. Et à noter qu'en double, messieurs, à Rotterdam toujours, la paire Nicolas Mahut-Pierre Hugerbert a été sacrée. Plusieurs tournois cette semaine, notamment à Marseille. Aujourd'hui, un duel franco-français entre Benoît Paire et Barrère. Benchetit affrontera Gombos et Richard Gasquet se reposait à Imer. À Del Rebic, Manarino affrontera Kwon. Et à Dubaï, en ce moment même, Laninovic est en train d'affronter Herzog. Et on termine avec de la perche, nouveau record du monde pour Armand Duplantis. On ne l'arrête plus. Maintenant, le record est à 6,18 m. Allez, on marque tout de suite la dernière pause musicale avec Ed Sheeran et son titre Perfect. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. Girl,